Yeah. Fais péter joint et ton business et tes petites fesses, c'est pour les petites tesses. Man, fais pas chier, fais péter joint et ton business et tes petites fesses, c'est pour les petites tesses. Yeah. Ok, j'ai pris le périph bêtement, chercher les thunes bêtement. Ah, tu veux les keufs, t'inquiète, non, je vais faire un petit tour, t'inquiète, non. Je soigne les tox sans queue, la dope et leurs médicaments. Je fume et je bois, c'est le jus, je me vois, je ne tomberai pas. Je touche du bois, ici on cherche les ans bêtement, les bons béton bêtement. Petit voilà ta cesse, si t'en prends, t'auras pas de bénéf, non. J'ai peu pont sous la gousse, pour Réti j'ai deux boules et pour Gollery j'ai deux bouses. La tasse est dans le CLK, si elle mate et c'est le cas. Podcast, hôtel, coup de tub et je la démarre comme Anelka. Yeah, tout le monde me cherche dans la ville, les potes, les putes, les tasses et même les stupes en civil. J'ai de la banaya dans ma tabatière, j'ai de la cesse et j'ai du crack dans la pochère. Bien maquillé, les deux trois tasses sur la banquette arrière. Man, j'surveille mes arrières, j'surveille mes arrières. J'ai de la banaya dans ma tabatière, j'ai de la cesse et j'ai du crack dans la peau. J'ai bien maquillé, des deux trois tasses sur la banquette arrière. Gros brolic à la ceinture et sur les mises arrière. J'sors des gros fers et j'tape des poses plastiques. Bienvenue dans mon 7-8 où les toxicos piquent, où les petits vendent de la cesse en écoutant ma zig. Où ces fils de pute de keufs se prennent des gros fun kicks, se prennent des gros fun kicks. Mais je marche dans la nuit, le keuf me parle mal. Je ferai pas de blani, complètement paranoïaque. Foncé à l'ammoniaque, serré dans une cellule comme un canot et kayak. Alors j'ai pris le train en route, mal les sacs pleins de kilos. Moi cherche être millionnaire, les petits et pequignos. C'est kilo 16, red bas, feu rouge, t'arrêtes pas. Voilà mon phone, bip moi, voilà ma queue, bip moi. Lyrics dur comme le béton, règne nos diesos, peu bon. T'as pas d'euro, laisse béton, va sniffer le passage piéton. Au-dessus des lois, c'est oh oh oh. Les des barres quoi, oh flash, oh. J'ai de la banaya dans ma tabatière, j'ai de la cesse et j'ai du crack dans la pochère. Bien maquillé, les deux trois tas sur la banquette arrière. Man, j'surveille mes arrières, j'surveille mes arrières. J'ai de la banaya dans ma tabatière, j'ai de la cesse et j'ai du crack dans la pochère. Bien maquillé, les deux trois tas sur la banquette arrière. Gros brolic à la ceinture et j'surveille mes arrières. Fais péter le joint et ton business et tes petites fesses, c'est pour les chier, fais péter le joint et ton business et tes petites fesses, c'est pour les petites tests. J'tape un rail avec Jacques, fume un joint avec Nico. Si mes condamnations seraient des diplômes, j'serais un putain d'intello. Mon album est dans les bacs, Johnny fonce derrière la coco. Tout le monde me cherche, les stupes, les tasses et puis même les potos, gars. J'ai de la bonne haïa dans ma tabatière, j'ai de la cesse et j'ai du crack dans la poche arrière. Bien maquillé, les deux trois tas sur la banquette arrière. Man, j'surveille mes arrières, j'surveille mes arrières. J'ai de la bonne haïa dans ma tabatière, j'ai de la cesse et j'ai du crack dans la poche arrière. Bien maquillé, les deux trois tas sur la banquette arrière. Man, j'ai de la bonne haïa et tu m'en auras pas. Mais Alice, ça plaît, fais-moi crédit pour ça. Mais moi crédit, mais avec tout ce que je te prends, tu vas pas me chercher pour une dose. Mais fais-moi crédit, s'il te plaît. Tiens, tiens, je te passe un bon keuf omelette, double fromage. Regarde-le ton keuftard, j'ai pas faim, mec. Mais fais-moi crédit pour une. T'as pas de crédit, si t'as pas de fric, c'est que t'as pas de cul, mon égo. Je te suce la bite. T'as dit quoi là? T'as dit quoi? Tu me suces quoi? Tu me suces quoi, négro? Mais qu'est-ce que t'as dit là? Mais répète ce que t'as dit. Mais range ça, négro. Tu suces quoi là? Range ça, négro. Tiens, suce-moi ça.